Vous aimez Louis Attac? Non! T'en viens! Et nous non plus! 1, 2, 3, 4. Viens, je t'emmène au vent. On refait. Eh, preuve qu'on l'a pas trop écouté, surtout lui. Tu me déçois. Bon, on y va. Alors, je 1, 2, 3. Viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles. Notre amour est éternel et pas artificiel. Que tu te rappelles, notre amour est éternel, pas artificiel. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Bon, que tu sois là, de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles.